boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Découverte en date de Pop and Rock, on vient d'écouter Dry Can, groupe français créé par Anne et Antoine à la fin des années 90 et qui, après deux albums sortis en 2007 et 2014, vient en 2021 de renaître avec l'EP The Jigsaw Piece, dont on vient d'écouter un premier extrait qui illustre un court-métrage du même nom à voir vite sur YouTube. Vous aimez ? Accrochez-vous, voici le plus dynamique Sceptical de Dry Can. Ce soir, Drycan va donc nous accompagner sous la forme d'un fil rouge avec encore 3 titres qui vont arriver au fil de notre heure pop and rockienne. Mais pour le moment, ce sont nos potes de Agora Fidelio qui arrivent avec le titre Palatina. les lundis entre 17h et 18h, vous êtes bien en train d'écouter Pop and Rock sur la très locale RVR. Et là, tout de suite, retrouvons un second titre de Agora Fidelio. Je pourrais, comme d'autres, vomir des états d'âme, cracher le fiel des anges, cracher le fiel. Je pourrais, comme ta colère, éclater sur des portes closes, faire tomber les murs. Comme d'autres, rester en la demeure d'obscurs faiseurs de sorts, les parents de tes sœurs. Tu pourrais comme avant user la corde raide, revoir la vie en rouge sans trouver de remède. Comme d'autres, rester en la demeure d'obscurs faiseurs de sorts, les parents de ta sœur. Tu pourrais comme avant user la corde raide, revoir la vie en rouge sans trouver de remède. Tu pourrais comme d'autres. Cultive des fruits dans le goût de ta mère. Cultive des fruits dans le goût de ta mère. Dans la chaîne sucrée, dans cet insaisissable. On refait des objets qu'on ne savait plus faire. On refait des objets qu'on ne savait plus faire. Confessant toucher terre pour s'en croire capable. Confessant toucher terre pour s'en croire capable. On cultive des fruits dont le goût est amer. Dont la chair est sucrée, dont c'est infinissable. On refait des objets qu'on ne savait plus faire. Confessant toucher pour s'en croire capable. On cultive des fruits dont le goût est amer. Dont la chair est sucrée. On refait des objets qu'on ne savait plus faire. On fait sans toucher terre pour s'en croire capable. J'ai peur de la mort. Agora Fidelio, voici quelques temps que j'espère les contacter pour savoir s'ils sont encore vivants, pour continuer de nous offrir ce rock, comment dire, beau, complexe et intelligent. Pour le moment, accusé sans réception, alors j'ai recours à d'autres défunts. Vous avez connu ceux qui, dans un élan de poésie mal contrôlé, à 100 à l'heure sur les boulevards, sur les banquettes de Moleskine, en s'en remettant au hasard, sans plus se soucier de Lénine, poussez-les à l'arrière des taxis. Poussez-les à l'arrière des taxis. Et peu importe les villes, c'est Paris, Moscou, Berlin, Berlin l'enchanteresse. Et le déjà vieux règne de l'électricité, partout même sous nos peaux. La cicatrice au néon et les égouts qui débordent, en pensant à Lili Brick et Vladimir Mayakovsky. Il se met à bien de taxi. Tant que les heures passent, tant que les heures passent. Allez. Vous avez connu ceux qui, emportés par leur fantaisie ludique, mais en pensant à Lili Brick et Vladimir Mayakovsky, leur sourire à peine éteint et les sangs vains croix de leurs mains qui glissaient sur leur skin, se perdaient sur la Moleskine. Ils s'aimaient à l'arrière des taxis. Ils s'aimaient à l'arrière des taxis. Tant que les heures passent. We'll be right back. Et ouais, dans Pop and Rock, on aime bien les vieux trucs sans pourtant être nostalgique, car sinon on ne verrait pas forcément d'un bon oeil le retour de Dry Can, qui arrive tout de suite avec un troisième titre toujours tiré de leur EP sorti en 2021. On écoute donc Dry Can qui chante Rainy Road. Sitting on the side of this rainy road, you were just trying to hide and keep it unknown. Riding with no goal to where the wind blew, I was fleeing to forget about places I knew. À nos chants et à la guitare, Antoine chant et guitare également, Olivier à la basse, Pascal à la batterie. Formation à confirmer car la voix féminine ne semble plus présente en 2021. Enquête à mener, mais pour le moment, retrouvons un vieux pote, Alex Mas, pour deux titres. Thank you. Enchaîné de Alex Mas, pas de doute, vous écoutez Pop and Rock sur RVR. I felt it before, and I Alex Masunde de Cervelle des Black Angels, jamais meilleur que lorsqu'il décide de voler de ses propres ailes. Et pour valider cela, allez voir vite son Levitation Sessions sur une plateforme de streaming. Et peut-être trouverez-vous également un dénommé Bob Mould de pas trop loin. Fil rouge de notre soirée, revoici Dry Can qui a sorti donc en 2021 un EP qui, je le crois, n'est que l'intro à un nouveau projet puisque grâce à Messenger, j'ai appris que Dry Can travaillait sur de nouveaux titres en cette année 2022. Nouvel album à venir, à voir. Mais en attendant, retour en 2014 avec le titre Mad Hero tiré de l'album Meanwhile de Dry Can. Thank you. C'était donc le quatrième titre du soir de Dry Can. Petit regret quand même face à ce groupe que je trouve quand même très sympathique, ils ne chantent qu'en anglais. Quand on sait que même les potes de Parlos Next font au moins un titre en français, mais bon, il paraît que l'anglais est la langue du rock, enfin, paraît-il. Connaître l'anglais quand même pour le rock, ça va pas mal, surtout quand c'est chanté par Emil avec ses Sniffers comme à l'instant, ou alors comme avec vous vous rappelez, Juliet and the Licks. Yeah. Allez, on continue notre pop and rock. Enfin, on va l'achever puisque le fil rouge s'arrête après le titre qui arrive. Ça sera donc Drycan avec le titre Paf. Et puis après, on aura peut-être un petit truc à se faire avant de se dire au revoir. Mais en attendant, on écoute donc le dernier titre du soir de Drycan. Le titre, c'est Paf. Ce coup-ci, Pop and Rock s'achève, ça y est, après donc cette découverte de Drycan, j'espère que vous avez aimé. Et pour se quitter, je vous propose une petite sucrerie, un petit digestif, quelque chose de rare. Un mélange, enfin pas un mélange, une association de Alice in Chains avec Pearl Jam. Le titre, c'est Alone. J'adore ce titre, je l'avais pas passé depuis longtemps. C'est fait. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et bis à tous. I'm Just to catch those last few words.